conditionnement physique autant de fois que vous le désirez. Ce forfait est offert aux membres et aux étudiants membres. Pour en savoir plus, visitez le sepsum.umontréal.ca. Vous cherchez la place à Montréal pour vous entraîner, nager, pratiquer votre sport préféré? Rendez-vous au Sepsum. Surtout si vous êtes diplômé de l'UdeM, HEC ou Poly, puisque vous profitez d'un rabais de 20% sur tous les forfaits d'abonnement. Renseignez-vous à sepsum.umontréal.ca. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous en ce lundi 22 septembre. Bienvenue à l'émission Le Terminus. Je m'appelle Jean-François Lusignan. On est ensemble pour la prochaine heure. Le Terminus, c'est une émission dédiée au rock indépendant. Je vous donne un petit aperçu de ce que vous allez entendre. Il va y avoir du Reversing Falls, groupe local. Il va y avoir également du Krill, Pop Goes, Jim Acis, le leader de Dinosaur Jr., et plein d'autres choses. La liste complète des chansons sera disponible à la fin de l'émission sur le CISM893.ca, comme d'habitude. On commence l'émission de ce soir avec le projet d'un gars de la Géorgie dont on ne sait pas grand-chose. En fait, son projet s'appelle Textbook Models. Il y a 40 personnes qui aiment ce projet-là sur sa page Facebook. C'est pas beaucoup, vous pouvez aller l'encourager. Et sinon, au mois d'août dernier, sur sa page Bandcamp, le gars a mis en ligne 7 chansons assez intéressantes. Vous allez voir ça. Donc, je vais vous faire jouer la chanson Commodore 64, Commodore 64 de Textbook Models. Et ensuite, ça sera suivi de Full Tip avec No Pets Before Sets. Donc, on écoute ça à l'instant. Textbook Models, bonne émission. Not disturbed. You forgot me and went off to live and learn. And I hope maybe I could stay here. You're making way for this year's model. But I've got everything I need. 64 kilobytes of random access memory. Motherboard, let me be. If you know what's best, please don't press the control key. Accept the fact I'm obsolete and I'm never coming back. Say goodbye to my electronic friends. You unplug me and that's where I meet my end. But I've got everything I need. 64 kilobytes of random access memory. Motherboard, let me be. If you know what's best, don't press the control key. Everything I need. 64 kilobytes of random access memory. Motherboard, please let me be. If you know what's best, please don't press the control key. Make it through the night and you'll be alright. It's safer in my dreams than the world is deep. La démonstration que c'est possible d'avoir du fun et d'habiter à Ottawa en même temps. C'était le groupe New Swears avec la chanson Mainstream tirée de leur album Junk Food Forever, Bedtime Whatever, qui est sorti récemment sur le label d'Ottawa également, Bruce Tongue Recordings. Juste avant, on avait aussi la musique de Total Slacker avec Keep the Ships at Bay. Et dans le segment, on avait aussi juste avant du Full Tip et on avait débuté ça avec Textbook Models. On va maintenant continuer avec une formation de Montréal, Reversing Falls, dont on attend incessamment un premier extrait d'un deuxième album sur lequel le groupe travaille depuis plusieurs mois. Il semblerait qu'il est sur le bord d'être prêt. Entre-temps, ce deuxième album, on va encore entendre une chanson du premier album sorti en 2013, album homonyme, la chanson Curse This Place de Reversing Falls sur le Terminus. This place. Yeah. life without. C'était du post-punk en provenance de Calgary. Oui, oui, oui, c'était Yuan Blonde avec Fools tiré de l'album Tenet qui vient de paraître de façon complètement indépendante sur le Bandcamp du groupe. Ça s'écrit comme 1, donc unblonde.bandcamp.com pour retrouver cet album. Juste avant, c'était Frankie Teardrop avec la chanson 100%. Et le groupe lui dit faire du shitgaze, qui est un genre musical qu'on pourrait résumer en fait à du bruit, un groupe qui fait du bruit de façon plus ou moins mélodique, donc du shitgaze, style assez intriguant, intéressant. Et on avait entendu avant ça du Reversing Falls. On va maintenant y aller en français avec du Ressac de l'album EBC Transistor, la chanson Transistor. Ça sera suivi de Krill avec Peanut Butter. Jusqu'à 20h, je vous rappelle, vous écoutez l'émission Le Terminus sur le 89.3 CISM. Thank you. C'était la formation montréalaise Pop Goes avec la chanson Wood Win. Cet extrait, en fait, c'est un avant-goût d'un nouvel album, en fait, du premier album de la formation Pop Goes qui sortira le 3 octobre prochain dans le cadre d'un spectacle à l'Escogriffe sur la rue Saint-Denis. Et avant Pop Goes, c'est précédé d'un... On a entendu aussi un autre groupe qui est aussi sur la même étiquette, Kuchabata Records. C'était Crab avec la chanson Chuss. Et on a appris il y a quelques semaines que Crab, en fait, c'est un duo dans la vie. Et une moitié de ce duo, David Dugadillon, le batteur, ben, annoncé qu'il quittait Crab pour se consacrer sur son projet solo qui porte son nom, David Dugadillon. Mais on a quand même appris en même temps que Crab n'est pas mort pour autant. Le vaillant Martin, le guitariste et chanteur du groupe, a annoncé qu'il allait quand même conserver le projet et trouver un batteur de remplacement très prochainement pour continuer Crab. Et ça, on est très content. On va continuer maintenant avec une chanson, une version française de la chanson Lucky de Nada Surf. Je pense que ça se retrouve sur un single qui était sorti en Europe, en France. Et le groupe offrait donc une traduction en français de la chanson Lucky. C'est une habitude que le groupe a eue depuis quelques années. Ils ont sorti quelques traductions. Une plus récente, je crois, sur leur dernier album, il y avait une chanson en français. Dans tous les cas, on va entendre Je t'attendais, version française de Lucky de Nada Surf. On écoute ça à l'instant sur le CISM 89.3. De son album Tied to a Star, c'était le leader de Dinosaur Jr., Jim Acis avec Every Morning, et juste avant Nada Surf avec une version française de la chanson Lucky qui donne en français Je t'attendais. C'était très très joli. L'émission de ce soir tire à sa fin et Roman Blouin sera là dans quelques instants. Restez là pour l'émission Nous sommes les rockers. La liste complète des chansons que vous avez entendues dans la dernière heure se retrouvera dans quelques instants sur le CISM893.ca. Il y a également les archives de l'émission sur leterminus.ca. On se quitte avec la musique de... En fait, c'est un projet solo d'un gars qui s'appelle Sean Lynch. Projet qui s'appelle Nobody. Ce sera la chanson Roadkill. C'est disponible sur le earnobody.bandcamp.com. Alors, on écoute ça pour se quitter. Je m'appelle Jean-François Lusignan. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. On se retrouve lundi prochain, 19h, pour une autre édition du Terminus. Bonne fin de soirée. Ciao! There's a mirror on the road, made of oil, and taillights, sweet like blood. Ce samedi 4 octobre, venez vous éclater en encourageant vos carabins. Ne manquez pas le match de football contre le Vert et Or de Sherbrooke. Barbecue disponible, apportez nourriture et breuvages pour le tailgate dès 10h. Une ambiance unique et des billets à partir de seulement 10$. Tous les détails au carabinfootball.ca. Vos carabins, bleu éclatant, spectacle fracassant. Grosse Boîte est fière de présenter le deuxième album solo de Fanny Bloom, Pan. Notre amour est un tas de cendres. L'album sera disponible en magasin et en ligne dès le 23 septembre prochain. Ne manquez pas le lancement gratuit qui aura lieu au Belmont le 24 septembre en formule 5 à 7 avec courte performance. Pour plus de détails, visitez grosseboîte.com. Lorsque t'as besoin d'un petit rayon de soleil pour partir ta journée, là, c'est ISM. Coquille, sensuelle, ardente, sexy, alléchante. Oh boy! Attention. Bon, ça peut sembler rebutant comme ça. Avez-vous peur? CSM. Et allez, continuons. Est-ce que c'est le temps d'une petite météo? Ah oui, très petite. On jasera de ça ensemble. Oui, ça va être plate. Ben voyons donc, c'est impossible. C'est pas mal la seule station écoutable du Grand Montréal. CISM 89.3 FM. La marge. C'est dur à dire, la marge, hein? La marge. Yes! Salut tout le monde, moi c'est Guy. Je suis content d'être ici à cette réunion des PQA, les participants de Quiz Anonyme. J'ai commencé à être accro, j'avais à peu près 12 ans. Ça a commencé avec Jeopardy, puis après ça, ça a dégénéré. C'était rendu que quand j'allais au resto, puis que la serveuse me demandait comment je voulais mes œufs, j'attendais qu'elle me donne un choix de réponse. Le Cheese Quiz, tous les dimanches à 20h à partir du 28 septembre à l'Abreuvoir Comedy Club. Le tout animé par Kevin Montreuil. Pour plus d'informations, abreuvoir.ca. Abreuvoir Pub Club Terrasse, 403 Ontario-Est. Canaille est enfin de retour à Montréal après avoir présenté Rond-Point en avril dernier et fait plusieurs concerts au Québec et en France. Ne manquez pas votre chance d'assister au spectacle qui se tiendra le 2 octobre prochain au cabaret La Tulipe dès 20h avec comme première partie les Deluxe. Les billets sont en vente au 33 Tours, à l'Oblique, au Phonopolis et sur grosseboîte.com. Rond-Point est disponible en format numérique et chez tous les bons disquaires. Vous écoutez CISM